Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Aujourd'hui, nous allons faire très attention à l'orthographe, comme tous les jours d'ailleurs. Oui, nous allons prendre grand soin à l'utilisation des majuscules et des minuscules, puisque nous parlons de l'invention de l'église. Déjà, église avec un E accent aigu minuscule, ou un bas de casse, comme disent les typographes, cette église-là nécessite, pour être construite, de la pierre, du mortier, une charpente et une couverture. L'église, en minuscule, est un bâtiment. Sinon, l'église prend un E majuscule, accentué de préférence, une capitale, dirait un typographe. Cette église-là, pour être construite, a besoin d'un dogme, d'un clergé, pourquoi pas de concile, de quelques patriarches et d'un pape. Oui, l'église en majuscule est une institution. Édifice ou institution, dans les deux cas, l'église porte une histoire. Le bâtiment est un livre de pierre et l'institution invente son propre récit qui explique notre monde. Le sujet n'est donc pas minuscule. Il est capital. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous sommes en quête des origines des monothéismes. Hier, nous avons croisé Abraham, Moïse et les perturbants manuscrits de la Mer Morte. Tout cela peut être écouté en ligne sur le site internet du cours de l'histoire franceculture.fr ou en podcast. Et aujourd'hui, nous nous demandons comment a été inventée l'Église. L'Église au sens de l'institution, institution ecclésiastique. Avec vous, Bénédicte Serre, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire du Moyen-Âge à l'Université Paris-Nanterre, membre du Centre d'études en sciences sociales du religieux, c'est à l'EHESS, et vous avez écrit « L'invention de l'Église » qui vient de paraître au PUF. Et nous allons ensuite suivre les pas des missionnaires dans les colonies. Et dans tous les cas, c'est une église qui se réinvente perpétuellement. Avec vous, Charlotte de Castelnau-l'Étoile, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Vous êtes professeur d'histoire moderne à l'Université Paris-Diderot, directrice du laboratoire Identité, Culture, Territoire. Et vous venez avec un livre qui s'intitule « Un catholicisme colonial », j'insiste sur le « un catholicisme colonial », le mariage des Indiens et des esclaves au Brésil. Et en fin d'émission, nous retrouverons Anaïs Quien qui assure la programmation du cours de l'histoire. Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Mais pour le moment, nous allons retrouver les petits chanteurs de Lyon qui se régalent d'un des meilleurs jeux de mots de Jésus, un jeu de mots rapporté par Matthieu dans son évangile « Pierre, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Les petits chanteurs de Lyon en 2017, Pierre tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Bénédicte Serre, il faut rappeler, l'église trouve ses origines dans la Bible, dans les évangiles, tout part de là. Oui, bien sûr, c'est ce que raconte l'exégèse, bien sûr, de Pierre, donc le verset de Matthieu 16:16, et aussi l'église qui est fondée au moment, c'est ce que Jean raconte, au moment de la mort du Christ en croix. Et donc l'origine première, quand les religieux regardent leur propre passé, ce serait de dire, mais dès le Christ, dès ce moment-là, il y a déjà la notion d'église. Faut rappeler aussi ce qu'est l'église. L'église, c'est quoi? C'est la communauté, c'est l'ecclésia à la base. Alors justement, ce n'est pas si simple. Ah, alors expliquez-nous, Bénédicte. C'est-à-dire que l'église est très souvent la métonymie de l'institution. On est d'accord. Mais donc l'ecclésia médiévale, c'est justement l'église institution. Et puis entre-temps, il y a Kant qui est passé par là et Durkheim. Et avec Kant et Durkheim, la définition de l'église, c'est plutôt la communauté morale, la communauté sociale qui se constitue autour des rites et des pratiques. Et de ce fait, quand on parle de l'église avant la modernité, l'église médiévale, ou quand on parle de l'église après Kant, Durkheim et à notre époque, on ne parle pas de la même chose. Pas du tout la même chose. Et c'est justement la raison pour laquelle il faut savoir exactement à quelle période on se situe, comment l'Église s'inscrit dans la temporalité et surtout comment l'Église a un vis-à-vis avec la religion, puisque la religion n'est pas non plus la même à l'époque médiévale et à notre époque. C'est très important ce que vous dites là, parce que tout est question de contexte. Hein. Vous venez d'écrire l'invention de l'Église, Bénédicte Serres. Vous avez sous-titré l'ouvrage, on le trouve, un essai sur la genèse ecclésiale du politique entre Moyen-Âge et modernité. Ecclésiale, vous nous expliquez ? L'ecclésialité, c'est justement l'Église dans sa performance, c'est-à-dire l'Église dans sa communauté, l'Église dans son vivre ensemble, qui n'est pas nécessairement l'Église institution. Mais ce sur quoi je voulais insister dans ce sous-titre, c'est d'abord que c'est un essai, c'est-à-dire que je ne fais pas un travail d'érudition, je ne fais pas un travail doctoral, je ne fais pas un travail de première main de sources archivistiques que j'ai pu faire par ailleurs, mais je voulais vraiment penser sur cette notion que j'ai choisie, cette notion qui sont assez fortes, des notions en isme. Je me suis amusée à décliner ces jeux de isme. Et j'insiste parce que c'est un essai, non pas tant un essai d'historiographie critique qu'un essai herméneutique qui va justement prendre les configurations historiques, historiographiques telles que je les ai envisagées pour voir ce qu'elles peuvent nous apporter, nous dire de l'Église, nous dire de la manière dont l'Église s'est mise en récit. Et je dirais que cette herméneutique, c'est en quelque sorte une manière de s'intéresser tant à des configurations historiographiques vraies que fausses, peu importe si elles soient fortes. Je me suis pas intéressée ça ne m'intéresse pas tellement de savoir si elles sont fausses ou justes. Ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qu'elles produisent comme effet. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est un essai. C'est un essai, c'est-à-dire c'est une réflexion autour de ce qu'est l'Église. L'Église, c'est un élément compliqué à cerner, c'est très difficile, et surtout qu'il traverse les siècles, les millénaires même, et qu'il évolue. L'Église se raconte elle-même. À partir de ce moment-là, il faut sans cesse regarder à quel moment est construit le récit. Quand vous étudiez l'invention de l'Église, Bénédicte Serres, vous partez du Moyen-Âge à la modernité. Par modernité, vous vous entendez quelle période ? Alors, tout ce qui est après le Moyen-Âge, c'est-à-dire la modernité et la contemporanéité. Et le cœur, vraiment, de la méthode que j'ai choisie, c'est cet aller-retour entre Moyen-Âge et modernité. Et notamment entre la fin du Moyen-Âge, dont je suis plus spécialiste, les 14e et 15e siècles, et la modernité, alors, des 16e, 17e, 18e, mais aussi des 19e et 20e, où, je dirais, au 19e, où là, on a forgé les ismes, on est dans une polémicité aiguë qui, justement, montre à quel point tous ces néologismes, très souvent acritiques d'ailleurs, tous ces néologismes sont en réalité des lieux de polémiques et de controverses très, très vives. Oui, parce que c'est vrai que c'est le festival du mot compliqué quand on dit le isme, mais parce qu'il recouvre en fait une réalité, mais la réalité de l'Église ou de la construction de l'Église, du récit qu'elle porte elle-même, est un récit compliqué. Nous, on peut le lire de manière beaucoup plus simple, sur la manière dont l'Église se réfère sans cesse à son passé avec l'obligation d'avoir un passé très lointain. C'est pour ça que nous évoquions l'écho dans les évangiles de la naissance de l'Église. L'Église a besoin sans cesse de regarder loin, loin, loin derrière. C'est ce qu'elle fait sans cesse dans son histoire, Bénédicte Serres. Exactement. Elle a besoin de puiser à des origines lointaines sa légitimité du présent. Elle a besoin de s'enraciner, elle a besoin de racines. Et ce jeu de réécriture nécessite donc cette recherche, cette quête des origines lointaines pour justement rendre compte d'une histoire linéaire. Il faut gommer les accidents, gommer les ruptures, gommer les hiatus et arriver à rendre compte de cette linéarité, de cette espèce de legs qui est continue, ce que j'appelle moi le continuisme et plus spécifiquement le double continuisme, c'est-à-dire cette espèce de linéarité du Moyen-Âge à la modernité et à la contemporanéité et de linéarité du religieux vers le politique. Alors, il est essentiel, hein, cette ligne du religieux vers le politique, c'est elle aussi qui draine l'explication de cette invention de l'Église. Cette invention, en fait, continue. C'est ça qui est intéressant. C'est pas une invention à un moment donné. C'est une invention qui n'arrête pas et qui, de temps en temps, ressurgit dans notre actualité. C'est vrai qu'il y a des questions que l'Église voudrait gommer et qui ressurgissent soudain, comme dans Radioscopie en 1969 avec l'abbé Pierre. Je pense que l'avenir est vers une vie sacerdotale beaucoup plus communautaire. Quasi, plus ou moins, sous une forme appropriée à rechercher, pour la vie sacerdotale, plus monastique. Le prêtre, dans le célibat, pouvant avoir une vie consacrée à beaucoup plus de prières, de soutien communautaire, et quittant sa communauté pour la célébration eucharistique et la parole et les sacrements, cette direction spirituelle au sens profond du mot, que si peu de prêtres engagés dans les tâches sont en état d'apporter, parce que épuisés, dévorés. Et je pense que c'est dans ce sens que se trouvera la réponse. Abbé Pierre, est-ce que vous pardonnez aux prêtres qui se marient ? Mais comment ne pas pardonner ? Dieu seul est juge et Dieu plus que nous est bon. Et bon et juste, nous n'avons pas à juger. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous essayons de comprendre comment l'Église n'a cessé de se réinventer, n'a cessé de créer un discours pour s'imposer, un discours linéaire, vous nous expliquiez, Bénédicte Serre, dans ce discours linéaire, parfois il y a des sujets comme ça qui montrent que cette linéarité n'est pas tellement linéaire, par exemple, sur... Alors là, il y a le mariage des prêtres, c'est un sujet polémique, mais c'est vrai, quand l'abbé Pierre évoque le mariage des prêtres, ça montre que dans l'Église, bah, parfois, oui, les prêtres ont pu se marier, et puis après, ils ne l'ont plus pu. Oui, l'idée, c'est qu'est-ce que fait l'Église de son histoire ? Quel est le rapport de l'Église à sa propre histoire ? Comment l'utilise-t-elle ? Comment en a-t-elle besoin ? Et en réalité, le cœur de la réflexion, c'est de voir qu'elle articule l'histoire à sa mémoire. Elle construit surtout sa mémoire. Et bon, vous parlez du mariage des prêtres, mais il y aurait beaucoup d'autres sujets, tous les abus de manière large, mais aussi des choses qui sont moins à relever de l'histoire des mœurs. Par exemple, toute la question du conciliarisme. Le conciliarisme au XVe siècle, c'est la damnatio memoriae de l'Église. C'est-à-dire, c'est ce point noir que l'Église veut absolument gommer, masquer, reléguer dans l'ombre. Et donc, elle va réinventer son discours parce qu'il fallait gommer les théories conciliaires et donc il fallait inventer le conciliarisme. Il fallait recréer cette période troublée du XVe siècle. Donc là, on a compris avec le mariage des prêtres. Bon, on oublie ça. Il faut gommer cet aspect-là. Et vous, Bénédicte Serre, vous nous parlez alors du conciliarisme. C'est quoi exactement ? C'est cette période XVe siècle qui est truffée de conciles. En fait, une lutte avec entre le pape et puis le reste du clergé, quoi. Oui, alors non. Le conciliarisme sort de ce contexte du grand schisme, c'est-à-dire la déchirure de l'Église entre deux pontifes. Cette déchirure de l'Église, c'est vraiment la grande crise de l'Église, douloureuse, profonde. C'est le drame de l'Église qui voulait une continuité, une tradition des origines jusqu'à nos jours. Et là, il y a un hiatus énorme. Et donc, au sortir de ce grand schisme, le concile de Constance règle le problème et réélit l'unicité donc de sa tête. Mais, et donc c'est le concile qui, les théories conciliaires plus exactement, c'est-à-dire ces tendances constitutionnalistes dans l'Église, alors je dirais pas démocratique parce que là on est dans un anachronisme un petit peu plus violent, mais constitutionnalistes qui vont fonctionner comme un contre-pouvoir à l'absolutisme pontifical, à la monarchie absolue du pontife, en tout cas la monarchie très autoritaire du pontife, pour justement rétablir dans l'Église ce gouvernement de type collégial, constitutionnel, etc. Et donc ça, ce sont les théories conciliaires. Et il fallait faire de ces théories conciliaires du conciliarisme. C'est-à-dire, il fallait en faire une idéologie qui, en l'occurrence, était une idéologie néfaste, funeste, révolutionnaire, accidentelle. Et donc, il fallait attribuer aux origines du mouvement des racines hérétiques. Et c'est à ce moment-là qu'on dit les inventeurs des théories conciliaires sont Guillaume d'Occam et Marcille de Padoue, qui sont deux hérétiques condamnés par l'Église. Donc, il fallait vraiment... Il était trop gênant de devoir son salut et le retour à l'unicité de sa tête à des théories hérétiques, à des mouvements constitutionnalistes, et surtout, il était trop gênant de le devoir à des contre-pouvoirs si puissants qu'ils pouvaient mettre en péril l'autorité politique de la tête romaine. Bénédicte Serre, vous citez Guillaume d'Occam, c'est vrai que pour créer des images dans l'esprit des auditeurs, on est dans le nom de la rose un peu. C'est vrai que c'est lui qui a inspiré Umberto Eco pour son personnage Baskerville. Mais dans l'invention de l'Église, au PUF, hein, vous écrivez les heures noires du XVe siècle, liées notamment aux faibles des pontifes, à leur humiliation, leur emprisonnement, leurs évasions, leurs fuites, leurs procès, leurs condamnations, leurs échecs et leurs obstinations ternissent les idéaux d'autorité monarchique et de puissance incontestée. Cette puissance du pape, elle est au cœur de la question qui traverse le récit que l'Église se construit d'elle-même. Le pape veut être puissant et pour aller loin, on peut arriver à la fin du XIXe siècle avec l'infaillibilité pontificale. Le pape ne peut plus avoir tort. Mais cette puissance du pape est au cœur de cette invention de l'Église ? Disons qu'elle est pas tellement au cœur que elle signifie la gestation du politique. Elle signifie à quel point la modernité politique a un substrat médiévalo-ecclésial. Et le passage que vous avez cité en consonance avec toute la notion de l'infaillibilité est très intéressant parce que c'est une manière de dire finalement que la mémoire de l'Église et la manière dont elle se met en récit est une histoire de passion ecclésiale. On parle beaucoup aujourd'hui de l'histoire des émotions, mais c'est ça, c'est des passions, l'humiliation, la honte, l'honneur à retrouver, et toute cette histoire est tissée de ces passions. Il y aurait un livre à écrire sur l'histoire des passions ecclésiales des origines à nos jours. Et cette l'infaillibilité, oui, c'est une autre bonne thématique. Alors moi, je parle d'infaillibilisme pour justement montrer la polémicité. Voilà, et puis pour rendre compte de cette polémicité qui était très forte au XIXe siècle. Et dans ce chapitre précisément, je montre à quel point les lectures contemporaines sont en contresens absolu de la réalité archivistique médiévale. C'est-à-dire que quand les pères de Vatican II mettent au point la doctrine de l'infaillibilité, qui est synonyme dans l'opinion publique de chèque en blanc pour le pape, en gros, hein. C'est genre le pontife qui a tous les pouvoirs sans limite, ce qui n'est pas d'ailleurs le vrai dogme. Mais dans l'opinion publique, c'est celui-là. Et en réalité, au Moyen-Âge, quand on parle d'infaillibilisme, qu'est-ce que c'est? C'est, d'ailleurs Guillaume de Cam est présent à ce moment-là aussi, c'est une manière de dire, voilà, on va prévenir les papes à venir de pouvoir changer et modifier les décisions actuelles. Donc on prévient la toute-puissance des papes à venir en installant l'infaillibilisme. Donc l'infaillibilisme, c'est une théorie anti-pontificale au Moyen-Âge. C'est une manière de prévenir la toute-puissance pontificale et ses dérives. C'est vrai qu'on voit bien que l'aspect politique est essentiel dans ce questionnement autour de l'invention de l'Église. Cette invention de l'Église qui est essentielle dans notre compréhension de l'histoire, sachant le rôle qu'a l'Église pendant des siècles et même aujourd'hui encore dans ce qu'elle a pu structurer de notre société. Cette invention est importante parce que dans ces différents combats, il y a des schémas mentaux qui se mettent en place. Exemple avec Dante, la Divine Comédie. Oh mon maître. Pourquoi soudainement toute force m'abandonne-t-elle? Pourquoi cette lassitude dans mes genoux? Et cette lâcheté dans mon cœur? Dis-moi, quel péché s'expie en ce lieu où m'arrête une subite fatigue? Orgueil, envie, colère. Tu vis déjà, mon Dante. Comment l'on peut chérir le mal de son prochain? Tel désire l'excellence et l'aveu pour lui seul. Tel craint de tout perdre si les autres s'élèvent. Tel encore n'a soif que de vengeance. Mais sont aussi ceux qui nourrissent un amour trop lent à acquérir le bien qu'en eux-mêmes ils désirent trop vaguement. Dante et Virgile qu'ils se baladent, oui, mais pas n'importe où, au purgatoire. Le purgatoire est quelque chose d'essentiel. C'est une invention du XIVe siècle. Le purgatoire, on est plutôt 15e. Non, on est plus en amont, à partir plus du 12e siècle. Parce que la Divine Comédie, ben oui, bien sûr, la Divine Comédie, c'est écrit au tout début du XIVe siècle. Oui. Donc le purgatoire est une invention, une invention qui se met en place justement dans des enjeux de pouvoir. Dans des enjeux de pouvoir, oui, il y a toujours des enjeux de pouvoir, mais dans une espèce d'assouplissement aussi de cette binarité entre paradis et enfer qui ne laissait pas de place à une pratique plus miséricordieuse de la pénitence, et cela se met en place parallèlement à la théologie sacramentaire de la confession. Parce que la théologie est également un outil utilisé par, alors, ça dépend de qui, mais c'est vrai qu'il y a le pape d'un côté, on peut réfléchir à toutes les composantes de l'Église, mais la théologie est aussi utilisée pour construire le récit de l'Église. Elle est adaptée, cette théologie, selon les besoins. Complètement. Mais la théologie et les théologiens ne prennent pas en compte les réalités archivistiques. Par exemple, si l'on prend le terme qui était un des termes les plus sulfureux et les plus controversés du Concile de Vatican II, c'est-à-dire la collégialité. Les théologiens ont de grandes théories très savantes sur la collégialité épiscopale, et Congar a pris à bras le corps la notion pour essayer d'en rendre compte historiquement, mais aucun d'entre eux n'est allé voir les pratiques collégiales des corps de chanoines dans les chapitres cathédraux, mais aussi les chapitres monastiques dans les abbayes, pour voir quelle était la collégialité vécue à la source de cette idée contemporaine, puisque au Moyen-Âge, il est attesté aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu de collégialité épiscopale. Donc les théologiens n'ont pas ce sens de l'histoire, et quand Congar préface le livre de Paul de Vort, donc ce bénédictin qui a beaucoup travaillé sur le concile, il dit voilà une conclusion pour l'histoire et un problème pour la théologie. Oui, c'est ça, c'est toujours cette confrontation en fait, enfin, on pourrait même dire le siècle, est-ce qu'ils sont vraiment dans le siècle, tous ces religieux qui inventent l'Église, quel est leur but, quel est leur intérêt, comment on adapte le discours pour arriver quelque part à ses fins. Bénédicte Serre, dans cette invention de l'Église, vous portez un regard, alors regard d'historienne évidemment, en allant voir les archives, les sources en fait, et vous constatez surtout que tout a été construit au fur et à mesure, mais vous avez un regard, on va dire critique sur la manière dont ça s'est construit, cette église, ou vous êtes juste sur le constat. Vous y voyez des manipulations, des fins pour arriver, peut-être notamment du point de vue du pape, à une autorité supérieure aux autres, ou alors vous constatez juste une évolution par rapport aux sources premières. Alors, j'insiste sur le point de départ. Le point de départ, en tant qu'historienne spécialiste de la fin du Moyen-Âge, ça a été cette espèce d'étonnement que j'ai eu entre cette espèce de hiatus entre les sources archivistiques de la fin du Moyen-Âge et les récits contemporains. Et je me disais, les deux n'ont rien à voir. Et il y a un aspect, ce que j'appelle un écart discursif, des contrastes de narratologie entre les deux. Et je me disais, il faut rendre compte. Il faut rendre compte scientifiquement, historiquement de ce contraste. Ça, c'était vraiment le point de départ. Et ensuite, si vous voulez, en évoluant, je me suis dit, il s'agit pas de faire de l'analyse critique pour l'analyse critique, ou de déconstruire pour déconstruire, c'est pas très intéressant aujourd'hui de travailler comme ça. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de suivre les constructions, c'est-à-dire d'arriver à retracer chronologiquement et historiographiquement quelles ont été les configurations et qui se sont enchaînées et qui ont, je dirais, de retracer cette constitution des récits. Et là, alors, critique, pas critique, enfin moi je fais mon métier d'historienne, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est d'arriver à pointer, voilà, quels sont les tournants, comment on passe d'un conciliarisme ecclésiologique au XVe siècle un parlementarisme anglo-saxon au XVIIe siècle. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a vraiment une linéarité, ou est-ce qu'en réalité, il y a des cassures dans cette histoire qu'on raconte? Oui, parce que c'est ça qui est fort, hein, c'est que vous reliez justement le parlementarisme, enfin, les expériences politiques que l'on peut retrouver, c'est pas en Angleterre ou ailleurs, dès le XVIIe siècle, où là, ça s'instaure vraiment profondément, avec des pratiques de l'Église. Mais ce que vous nous dites là, Bénédicte Serre, tous ces échos sont ceux du contemporain. C'est en ça qu'ils sont intéressants, ce ne sont pas des réflexions uniquement théologiques. Alors, contemporain, à plus ou moins longue échelle. Écoutons ce que disait l'archevêque de Marseille sur la relation de l'Église au progrès. Nous sommes en 1962, au moment de Vatican II. Dans le passé, c'est vrai. On se souvient de Galilée, on se souvient de certaines réactions des hommes d'Église en face de découvertes scientifiques qui leur semblaient difficilement compatibles avec la lettre même de la Bible. Mais je crois que ce temps-là est dépassé, que le nombre de prêtres qui sont par exemple à la recherche scientifique, que l'intérêt porté par l'Église à toutes les découvertes de la science prouve bien qu'elle ne craint rien d'elle. Elle est heureuse de tous les progrès de l'homme qui répondent au fond à ce désir de Dieu exprimé au début de la Bible, il faut dominer le monde. Il faut en tirer toutes les forces vives qui s'y trouvent pour les mettre au service de l'humanité tout entière. Je crois sincèrement, pas seulement par fidélité à l'Église, mais par conviction personnelle, qu'il n'y a et qu'il n'y aura jamais aucune incompatibilité, aucune opposition radicale entre la science et la foi. L'archevêque de Marseille en 1962 avec un phrasé très adapté pour son discours. Il est archevêque, jusque dans sa manière de parler. Bénédicte Serre, c'est vrai quand on entend un discours ainsi sur l'Église extrêmement apaisante par rapport à la science, vous qui avez étudié l'invention de l'Église sur le temps très long en retournant vers les archives et aux origines, on va dire, de la mise en place de ces notions d'Église, vous vous dites, oh là là, quelle évolution! Alors, oui, en effet, l'exemple que vous venez que nous venons d'entendre est tout à fait représentatif de cette manière de gommer l'historicité de l'Église, parce que je veux dire, là, cet archevêque qui a un discours très très enthousiaste et très optimiste, il gomme quand même tout l'épisode du modernisme. Le modernisme, c'est exactement cette incapacité qu'a l'Église à intégrer l'exogénéité de la science, les apports d'une philosophie extérieure à ses propres traditions. Je veux dire, c'est tout l'épisode du modernisme, 1907, qui va polluer en quelque sorte toutes les relations de l'Église avec la science pendant tout le XXe siècle. Et là, c'est ce discours qu'on vient d'entendre et l'exemple parfait de cette espèce de manière de gommer. Voilà, l'Église n'a jamais eu de problème avec la science. Et justement, Bénédicte Serre, Vatican II, quand on décide de réformer si profondément l'Église, peut-être même de réinventer l'Église, de refonder l'Église, c'est peut-être parce qu'il y a cette prise de conscience que pendant aussi longtemps, l'Église a nié, a fermé les yeux, a voulu effacer, a construit un discours qui n'était vraiment plus du tout adapté au monde des années 1960, enfin en tout cas au XXe siècle. Alors oui, en effet, mais là, les choses sont un petit peu plus complexes, c'est-à-dire que la réforme, comme vous dites, est vraiment le vocable qui a ponctué toute l'histoire de l'Église, hein, des origines jusqu'au XXe siècle, bien sûr, et la réforme, c'est aussi celle avec une majuscule, puisque c'est quand même la réforme de Luther, ce schisme, grande déflagration, voilà, qui a marqué l'histoire du XVIe siècle. Donc, réforme est un terme chargé, c'est un terme controversé, c'est un terme chaud, comme dit Philippe Le Vilain. Et à Vatican II, on ne l'emploie pas, on le contourne et on parle d'aggiornamento. Et qu'on garde d'ailleurs sans plaigner dans son fameux livre, hein, Vraie et fausse réforme dans l'Église, et sans plaigner, il disait mais aggiornamento, ça veut rien dire, c'est un terme qui est mou, et il avait raison. Mais ce qu'il fallait faire, c'est contourner ce terme qui était trop chargé, qui était trop un terme qui remettait en question l'Église et qui faisait dire à l'Église qu'elle devait se réformer absolument. Et donc on voit très bien qu'à Vatican II, je crois qu'il y a que 3 occurrences du terme de réformation ou réformare que l'on essaie absolument d'éviter. Et donc là, on a aussi des relents d'anti-réformisme qui ont marqué le 19e siècle. Je prends en 1832, je crois que c'est Grégoire XVI qui disait « Mais il est hors de question de parler de réforme, comme si l'Église était sujette aux défauts ». L'Église ne peut pas se tromper. Et vous, Bénédicte Serre, qui avez l'œil sur ces questions-là, sur le discours très contemporain du pape François, ou étendons un petit peu, enfin que ce soit Benoît XVI ou François, vous retrouvez toujours ces mêmes mécanismes de recréation du récit, d'adaptation du récit, sur un temps plus court cette fois? Oui, avec François, on pourrait dire que... En effet, il y a des volontés de s'amender, de s'assouplir, mais bon, vous savez, je reste historienne et pas journaliste, et donc ça me gêne toujours de parler de le temps présent et le jour. L'historien peut parler du temps présent. Oui. L'histoire du temps présent. Non, mais c'était plus dans l'analyse du texte et du discours. Non, mais je comprends très bien. Merci beaucoup, Bénédicte Serre. L'invention de l'Église, c'est au PUF. Et nous allons faire une pause à partir de l'aide. Pas n'importe quel lait, du lait d'amande avec Baxter Dury. She wants almond milk. She wants protecting. She wants phoning. She wants leaving alone. She wants a two-story makeup kit with a facial product system. I can't leave it alone. realizes that she wants me. I leave that alone. Sun shines, coffee shops, leafy turnouts. No big surprise. The powdered kegs of slimline, fat line, tonic eye life. Pass the number. I drive on Mad Mac, Pat Grams, Mad Stack. I'm downtown, big man, night flat. Up yours. Woo! Baxter Dury, Almond Milk, dans le cours de l'histoire, une émission réalisée par Thomas Jost avec aujourd'hui à la technique Jean-Frédérics et Élise Le. Nous poursuivons notre réflexion sur l'invention de l'Église. L'Église, c'est un monde extrêmement compliqué, c'est un monde qui traverse les siècles, mais nous, nous allons traverser l'océan avec vous, Charlotte de Castelnau-l'Étoile. Vous êtes donc professeur d'histoire moderne à l'université Paris Diderot et vous arrivez avec un catholicisme colonial, le mariage des Indiens et des esclaves au Brésil. C'est au puf. Il faut rappeler, l'évangélisation commence avec les conquistadors. C'est un petit peu la manière de légitimer la colonisation. On est vraiment au tout début, allez, on va dire déjà dès 1492. L'idée est là, évangéliser. Bien sûr, mais l'évangélisation, si on reprend l'idée d'une longue histoire de l'Église, c'est bien antérieur. L'histoire de l'Église est qu'une histoire d'évangélisation. Aller évangéliser les nations, toutes les nations sans exception. Oui, on revient dans la Bible toujours. Exactement, ouais. et dans l'Évangile. Et donc en fait, l'histoire du premier millénaire est aussi une histoire d'avancée et de transformation d'un Occident qui va devenir chrétien. Et donc... au XVe siècle, donc nous sommes vraiment, nous nous touchons, disons, avec Bénédicte Serre, la question de l'évangélisation, elle se poursuit, sauf que désormais, cette évangélisation, elle va être sur les quatre parties du monde. D'abord l'Afrique, puis l'Asie, et enfin cette fameuse quatrième partie découverte en 1492. Mais ce n'est qu'un processus qui se continue. Voilà. Et effectivement, le processus d'évangélisation est très important sur le plan politique parce que c'est une forme de légitimation de ces Européens qui sortent d'Europe dans des conditions différentes à chaque fois selon les rapports de force locaux qu'ils trouvent, mais c'est une justification de leur présence. Dites-moi, Charlotte de Castelnau-l'Étoile, je comprends bien que l'évangélisation doit se comprendre sur le temps long, et c'est vrai que dès la Bible, on dit « allez évangéliser, porter la bonne parole », quoi. Et on avance, mais pour le cas de l'Amérique découverte, et du Brésil plus particulièrement que vous avez étudié, il y a des spécificités où on s'inscrit dans la même démarche, c'est-à-dire que ceux qui partent d'Europe ont en tête ce qu'ils auraient pu faire ailleurs, tout simplement, ou ils adaptent. Alors, c'est exactement le rapport à l'histoire de l'Église. C'est-à-dire, c'est une forme de continuité, parce qu'on est dans un providentialisme. Donc, de toutes les façons, il y a des choses intangibles et qui ne bougent pas. Donc, on est toujours dans... les missionnaires se comparent aux actes des apôtres. Pour eux, c'est ça leur guide de voyage, hein, quelque part. Mais, bien sûr, ce sont des hommes du 15e et du 16e siècle. Donc, ils vont s'adapter, mais autrefois aussi, on s'était adapté. C'est-à-dire que, et c'est là la tension que l'on retrouve aussi dans le premier millénaire, c'est la formation d'églises locales. C'est pour ça que je parle d'un catholicisme colonial, celui qui se développe dans ce territoire de l'Amérique portugaise que l'on appelle le Brésil dès 1551, au moment de la fondation du premier évêché. Et l'église s'est construite par l'agglomération d'évêchés. Donc il y a un évêché au Brésil, de même qu'il y a eu des évêchés qui se sont construits au 4e, 5e siècle dans l'Occident. Et les Brésiliens, en tout cas les Indiens du Brésil, voient arriver un personnage extraordinaire, c'est le missionnaire. Ah qu'ils sont beaux, ah qu'ils sont beaux, les pieds des missionnaires qui vont planter partout le royaume des cieux. Ah qu'ils sont beaux, ah qu'ils sont beaux, les pieds des missionnaires sur les chemins du monde, portant l'amour de Dieu. Sœur Sourire, qui chante les pieds des missionnaires. Sœur Sourire que l'on connaît beaucoup plus par Dominique, Nick. Mais voilà, le missionnaire est une figure. Pourquoi particulièrement avoir regardé le catholicisme colonial à travers la question du mariage, Charlotte de Castelnau-l'Étoile? Pourquoi le mariage? Le mariage, on a entendu tout à l'heure l'abbé Pierre parler du mariage des prêtres. Les prêtres, c'est le domaine du célibat. Les laïcs, c'est le mariage. Donc en fait, le mariage, pour construire une société chrétienne, il faut, et là je... C'est le mariage pour tous, si vous voulez. Il faut que tout le monde puisse accéder au mariage. Et donc dans cette société du Brésil, c'est une société pluriethnique. Les Portugais arrivent, ce sont des Indiens de différentes cultures, des Indiens de la côte, les Indiens de l'intérieur. Et donc il faut que ces hommes et ces femmes puissent accéder au mariage pour pouvoir être considérés comme des chrétiens, parce que baptiser sans marier, c'est mettre les gens dans des situations de péché. Donc le mariage est aussi important que le baptême. Et pour moi, le mariage est du coup une forme de laboratoire, une forme de lieu d'observation pour voir comment se construit une société coloniale catholique, société pluriethnique et société esclavagiste. Et l'esclavage et le mariage ont à voir aussi, puisque au cœur du mariage, sur le plan théologique, il y a la question de la liberté du consentement. Et l'esclavage est au contraire une absence de liberté. Donc pour moi, la question du mariage me permettait d'observer à la fois comment les ecclésiastiques construisent un catholicisme entre contrainte et liberté, et comment ces fidèles d'origine africaine et d'origine indienne vont aussi utiliser des formes de liberté pour accéder à ce mariage auquel ils vont... Voilà, certains le refusent, hein. Il y a refus et acceptation. Vous avez raison d'insister hein, sur ces différents groupes qui composent l'Amérique à ce moment-là. Il y a les Indiens, ceux qui sont là à l'origine. Il y a les esclaves, ceux qui sont venus et des descendants d'esclaves. Et puis, il y a les Européens. Et dans toutes ces questions, on parle de liberté, de mariage. Alors, bien sûr, il y a le concret. Vous le dites bien dans votre livre, un catholicisme colonial, on peut regarder ça du haut, on peut regarder ça du bas, c'est ce que vous faites des deux côtés, par le peuple, ce sont des questions du peuple, mais il faut bien souligner que ça intéresse aussi les autorités, exemple avec une bulle papale, Romani Pontificis, c'est une bulle du pape Pie V en 1571, qui nous est lue ce matin en direct par Nathalie Canoui. Nous avons appris qu'il est permis aux infidèles d'avoir plusieurs épouses, qu'ils répudient d'ailleurs pour les motifs les plus légers. Il en est résulté qu'il a été permis aux hommes recevant le baptême de rester avec l'épouse qu'ils avaient à ce moment et qui a été baptisée avec eux. Or, il arrive souvent que celle-là ne soit pas leur première épouse en date. Il en résulte pour les prêtres et les évêques des scrupules qui leur font penser qu'un tel mariage n'est pas un véritable mariage. Mais il serait très dur de les séparer de la femme qui a reçu le baptême en même temps qu'eux, et il serait très difficile de retrouver leur première épouse. C'est pourquoi nous avons voulu, par une affection paternelle, pourvoir à la situation de ces Indiens avec bienveillance, et en même temps arracher les évêques et leurs ministres à leurs scrupules. De notre propre décision et de science certaine, et dans la plénitude de notre pouvoir apostolique, nous décidons que les Indiens baptisés dans le passé ou à baptiser dans l'avenir peuvent rester avec l'épouse qui a été ou sera baptisée avec eux, comme avec leur épouse légitime, après avoir renvoyé les autres. Et en vertu de l'autorité apostolique, nous déclarons que les mariages de cette sorte, intervenus entre eux, doivent être tenus pour légitimes. Merci Nathalie Canoui de nous avoir lu en direct cette bulle du pape Pie V, une bulle dans laquelle nous entendons beaucoup d'affection paternelle, beaucoup de bienveillance et en même temps beaucoup de plénitude de notre pouvoir apostolique. Il y a ce jeu double qui est intéressant pour prendre une décision en fait qui concerne les individus, des individus qui à la base ne sont pas catholiques. Oui, Alors merci pour cette bulle qui fait très bien le lien avec ce qu'a dit Bénédicte Serres aujourd'hui, parce que on est là dans l'après-concile de Trente. Pie V est en train de faire, dans ce texte que vous venez de lire, une déclaration d'autorité pontificale qui va heurter tous les théologiens de l'époque. Il dit rien de moins que ce qu'on appelle le privilège pétrinien dans l'Église, c'est-à-dire que le pape a le droit de modifier les unions des indigènes. Alors pour nous, aujourd'hui, ça peut paraître sans intérêt, mais pour les hommes du XVIe siècle, c'est fondamental. Le mariage était une institution de droit naturel et tous les mariages, selon les coutumes des sociétés, étaient plus ou moins valides. Et là, Pie V fait rien moins que de dire « oublions tous les mariages indigènes et laissons convertis le droit de se remarier avec qui ils veulent ». Et les théologiens de l'époque ont estimé que c'était une forme de scandale. Hein, José de Acosta, depuis son lointain Pérou, va dire la plénitude pontificale se heurte à toute la tradition théologique et son chapitre sera censuré. Donc, ce qui se passe dans cette Amérique du XVIe siècle, c'est effectivement toutes les questions théologiques. La question du mariage est une question de l'Église fondamentale, la validité des différents mariages, la puissance pontificale, tout ça se joue autour du mariage de ces Indiens et on verra aussi de ces esclaves. Donc c'est bien une Église aux dimensions du monde qui est en train de se construire, une Église qui garde ses dogmes, une Église qui garde sa question de l'autorité et qui construit son, dans un processus d'expansion qu'elle connaît depuis le 1er siècle. Voilà, c'est simplement une nouvelle échelle. Elle construit son récit. Et Bénédicte Serres, je me tourne vers vous. Mais sur le cas de l'Amérique, il y a un aspect particulier. L'Église dispose d'un terrain vierge. C'est-à-dire que ceux qui peuvent s'installer là-bas, en tout cas les religieux qui vont là-bas, peuvent essayer de faire des choses. Qu'est-ce que nous entendons avec Charlotte de Castelnau, l'étoile sur les expériences, l'adaptation, on va dire, du canon pour obtenir, pour mettre en place là une autorité papale, pour bien imposer une vision de l'Église. Vous pensez que l'extension de l'Église, et notamment avec l'Amérique, a pu renforcer une domination papale à partir du XVIe siècle ? XVIe siècle et non pas XVIe siècle, hein, vous l'avez compris, chez Savonnet. C'est toute la question de la centralité romaine. C'est-à-dire que l'Église gardera toujours son centre à Rome. Et comment le catholique... En fait, c'est l'articulation entre la question entre la catholicité et la romanité. La catholicité, c'est faire partie de cette énorme communauté qui est celle de l'Église. Et la romanité, ça nous rapproche au plus près du pape. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire cette instance plus politique qui entend gérer de son centre l'universalité, puisque c'est l'étymologie de catholique, l'universalité de sa communauté et de son corps d'appartenance. Charlotte de Castelnau, l'étoile. Oui, c'est ce que j'ai essayé de montrer. Si vous voulez, à la fin du XVe siècle, la papauté est assez affaiblie pour ne pas prendre en charge elle-même cette question de l'évangélisation des peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique. Mais justement, au long du XVIe siècle, la question du mariage, c'est ce que je montre dans le livre, va être une occasion pour la papauté de reprendre pied sur ces questions, puisque ce sont les souverains ibériques qui ont été en charge de l'évangélisation, mais pas sur le plan dogmatique et spirituel. Et donc, la question du mariage, qui touche une question du dogme, permet à l'Église, avec ces bulles dont vous avez cité un extrait, il y a toute une série de bulles, 1537, 1571 et 1585, qui est la bulle sur les mariages d'esclaves, permet à la papauté de montrer qu'elle s'intéresse à ce qui se passe dans ces mondes lointains, qu'elle a son mot à dire et que la tradition de l'Église est en jeu. Et en 1622, début du XVIIe siècle, l'Église crée la Congrégation de la Propaganda Fidei, qui est la congrégation pontificale qui reprend en main les questions de mission, avec forcément des conflits avec les patronages ibériques. Mais, et c'est ça que je montre là, la question du mariage. Alors là, on a parlé des usages politiques. Pour l'Église, c'est aussi une bonne manière de revenir sur le terrain. Et dans le livre, il y a beaucoup de papes dont il est question.